mon rappeur de parler. L'amour se fait dans l'ombre, là où les rêves marchent pieds nus. On s'aime sans bruit, comme de fautes jamais reconnues. Je t'écris avec le cœur, mais je t'efface à la lumière. Mon bonheur vit en cachette, ma douleur elle vit entière. L'amour se fait dans l'ombre, quand le monde nous refuse le jour. Je t'aime en secret, et ça me tue. Sur ma langue, mais je l'avale comme un poison. Aimer sans exister, c'est une lente disparition. Je souris pour survivre, je mens pour respirer. Car dire la vérité, ce serait tout briser. Si mère est un péché, alors je suis coupable à vie. J'ai choisi ton cœur, même s'il n'a pas choisi ma vie. L'amour se fait dans l'ombre, quand le bonheur n'a pas le droit. Je te garde dans mon silence, même quand je me perds. Ne se cache jamais.